dans une contrée lointaine. Un homme à la peau jaune, redouté de tous. Ni maison, ni famille, juste un manteau de laine. Ni train, ni voiture, juste un vélo pousse-pousse. Défendez l'enfant, la veuve et Jacques Martin. Les coups de Nunchaku pleuvaient chez le mandarin. La justice et l'or règnent enfin sur la Chine. Incarné dans un continent, la tête est barrée. Super Chinois! Naine de 30 formes tient qu'à boire! Super Chinois! Noyé de tant d'hommes qui se noient! Super Chinois! En tant monta de 30 formes vilain petit art! Super Chinois! Super Chinois! Ah, c'est moi! Désormais loin de son pays, l'empire du milieu, ses barines sont devenues une légende. Symbole du plus grand groupe de tous les temps. Son Nunchaku il a troqué contre Alex Managan. Armé de sa guitare, entouré de ses amis, il pourfend le rap, le caque et les barbies. Ensemble ils forment la super espadrille pour sauver l'humanité de ce monde qui part en vrille. Super Chinois! En aime de transforme sien qui aboie. Super Chinois! Noyé de tant de hommes qui se noient. Super Chinois! En tant mouta de transforme vilain petit a. Super Chinois! Super Chinois! Ah, c'est moi! Putain, t'as mal aux dents, toi.